La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile Edmond Cesset, livre 1er, Légote à Rome. Chapitre 14. Les consolations divines n'ont jamais manqué aux saints dans la captivité. On se plaint que des chrétiens aient été emmenés captifs. Affreux malheur, en effet, si les barbares avaient pu les emmener quelque part où ils n'eussent point trouvé leur Dieu. Ouvrez les saintes écritures, vous y apprendrez comment on se console dans de pareilles extrémités. Les trois enfants de Babylone furent captifs, Daniel le fut aussi, et comme lui d'autres prophètes, le divin consolateur leur a-t-il jamais fait défaut? Comment eut-il abandonné ses fidèles tombés sous la domination des hommes, celui qui n'abandonne pas le prophète jusque dans les entrailles de la baleine, Jonas, 2. Nos adversaires aiment mieux rire de ce miracle que d'y ajouter foi, et cependant ils croient sur le témoignage de leurs auteurs Carion de Métimne, le célèbre joueur de lyre, jeté de son vaisseau dans la mer. Fut reçu et porté au rivage sur le dos d'un dauphin. Hérodote, Histoire livre 1er, chapitre 23, 24. Ovide, Les Fastes, livre 2, 80. Mais, diront-ils, l'histoire de Jonas est plus incroyable. Soit, elle est plus incroyable, parce qu'elle est plus merveilleuse, elle est plus merveilleuse, parce qu'elle trahit un bras plus puissant. Chapitre 15. La piété de Régulus, souffrant volontairement la captivité pour tenir sa parole envers les dieux, ne le préserva pas de la mort. Les païens ont parmi leurs hommes illustres un exemple fameux de captivité volontairement subie par esprit de religion. Marcus Attilius Régulus, général romain, avait été pris par les Carthaginois. Ceux-ci, tenant moins à conserver leurs prisonniers qu'à recouvrer ceux qui leur avaient été faits par les Romains, envoyèrent Régulus à Rome avec leurs ambassadeurs, après qu'il se fut engagé par serment à revenir à Carthage, s'il n'obtenait pas ce qu'il désirait. Il part, et convaincu que l'échange des captifs n'était pas avantageux à la République, il en dissuade le Sénat. Puis, sans y être contraint autrement que par sa parole, il reprend volontairement le chemin de sa prison. Là, les Carthaginois lui réservaient d'affreux supplices et la mort. On l'enferma dans un coffre de bois garni de pointes aiguës, de sorte qu'il était obligé de se tenir debout, ou, s'il se penchait, de souffrir des douleurs atroces. Ce fut ainsi qu'ils le tuèrent en le privant de tout sommeil. Certes, voilà une vertu admirable et qui a su se montrer plus grande que la plus grande infortune. Et cependant quel Dieu avait pris à témoin Régulus? Sinon ces mêmes dieux dont on s'imagine que le culte aboli est la cause de tous les malheurs du monde? Si ces dieux conservaient pour être heureux en cette vie ont voulu ou permis le supplice d'un si religieux observateur de son serment, que pouvait faire de plus leur colère contre un parjure? Mais je veux tirer de mon raisonnement une double conclusion. Nous avons vu que Régulus porta le respect pour les dieux jusqu'à croire qu'un serment ne lui permettait pas de rester dans sa patrie, ni de se réfugier ailleurs, mais lui faisait une loi de retourner chez ses plus cruels ennemis. Or, s'il croyait qu'une telle conduite lui fût avantageuse pour la vie présente, il était évidemment dans l'illusion, puisqu'il n'en recueillit qu'une affreuse mort. Voilà donc un homme dévoué au culte des dieux qui est vaincu et fait prisonnier. Le voilà qui, pour ne pas violer un serment prêté en leur nom, périt dans le plus affreux et le plus inouï des supplices. Preuve certaine que le culte des dieux ne sert de rien pour le bonheur temporel. Si vous dites maintenant qu'il nous donne après la vie la félicité pour récompense, Je vous demanderai alors pourquoi vous calomniez le christianisme. Pourquoi vous prétendez que le désastre de Rome vient de ce qu'elle a déserté les autels de ses dieux, puisque, malgré le culte le plus assidu, elle aurait pu être aussi malheureuse que le fut Régulus. Il ne resterait plus qu'à pousser l'aveuglement et la démence jusqu'à prétendre que si un individu a pu, quoique fidèle au culte des dieux, être accablé par l'infortune, il n'en saurait être de même d'une cité tout entière, la puissance des dieux étant moins faite pour se déployer sur un individu que sur un grand nombre. Comme si la multitude ne se composait pas d'individus. Dira-t-on que Régulus, au milieu de sa captivité et de ses tourments, a pu trouver le bonheur dans le sentiment de sa vertu? C'est, en effet, ce que soutient Sénèque, en bon stoïcien, de la Providence, chapitre 3. Que l'on se mette alors à la recherche de cette vertu véritable qui seule peut rendre un état heureux, car le bonheur d'un état et celui d'un individu viennent de la même source, un état n'étant qu'un assemblage d'individus vivant dans un certain accord. Au surplus, je ne discute pas encore la vertu de Régulus, qu'il me suffise, par l'exemple mémorable d'un homme qui aime mieux renoncer à la vie que d'offenser les dieux, d'avoir forcé mes adversaires de convenir que la conservation des biens corporels et de tous les avantages extérieurs de la vie n'est pas le véritable objet de la religion. Mais que peut-on attendre d'esprits aveuglés qui se glorifient d'un semblable citoyen et qui craignent d'avoir un état qui lui ressemble? S'ils ne le craignent pas, qu'ils avouent donc que le malheur de Régulus a pu arriver à une ville aussi fidèle que lui au culte des dieux, et qu'ils cessent de calomnier le christianisme. Mais puisque nous avons soulevé ces questions au sujet des chrétiens emmenés en captivité, je dirai à ces hommes qui sans pudeur et sans prudence prodiguent l'insulte à notre sainte religion, que l'exemple de Régulus vous confonde. Car si ce n'est point une chose honteuse à vos dieux qu'un de leurs plus fervents admirateurs, pour garder la foi du serment, et dû renoncer à sa patrie terrestre, sans espoir d'en trouver une autre, et mourir lentement dans les tortures d'un supplice inouï, de quel droit viendrait-on tourner à la honte du non-chrétien la captivité de nos fidèles, qui, l'œil fixé sur la céleste patrie, se savent étrangers jusque dans leur propre foyer. 1 Pierre 2, 11. Sur Marcus Attilius Régulus, voyez Polybe Histoire Générale livre 1er chapitre 29. Cicéron, Traité des Devoirs, livre 1er chapitre 13, et livre 3, chapitre 26. Chapitre 16. Le viol subi par les vierges chrétiennes dans la captivité, sans que leur volonté y fût pour rien, a-t-il pu souiller la vertu de leur âme? On s'imagine couvrir les chrétiens de honte, quand pour rendre plus horrible le tableau de leur captivité, on nous montre les barbares violant les femmes, les filles et même les vierges consacrées à Dieu. Mais ni la foi, ni la piété, ni la chasteté, comme vertu, ne sont ici le moins du monde intéressés. Le seul embarras que nous éprouvions, c'est de mettre d'accord avec la raison ce sentiment qu'on nomme pudeur. Aussi, ce que nous dirons sur ce sujet aura moins pour but de répondre à nos adversaires que de consoler des cœurs amis. Posons d'abord ce principe inébranlable que la vertu qui fait la bonne vie a pour siège l'âme, d'où elle commande aux organes corporels, et que le corps tire sa sainteté du secours qu'il prête à une volonté sainte. Tant que cette volonté ne faiblit pas, tout ce qui arrive au corps par le fait d'une volonté étrangère, sans qu'on puisse l'éviter autrement que par un péché, tout cela n'altère en rien notre innocence. Mais, dira-t-on, Outre les traitements douloureux que peut souffrir le corps, il est des violences d'une autre nature, celles que le libertinage fait accomplir. Si une chasteté ferme et sûre d'elle-même en sort triomphante, la pudeur en souffre cependant, et on a lieu de craindre qu'un outrage qui ne peut être subi sans quelque plaisir de la chair ne se soit pas consommé sans quelque adhésion de la volonté. Chapitre 17. Du suicide par crainte du châtiment et du déshonneur. S'il est quelques-unes de ces vierges qu'un tel scrupule est porté à se donner la mort, quel homme ayant un cœur leur refuserait le pardon? Quant à celles qui n'ont pas voulu se tuer, de peur de devenir criminelles en épargnant un crime à leur ravisseur, quiconque les croira coupables ne sera-t-il pas coupable lui-même de folle légèreté? S'il n'est pas permis, en effet, de tuer un homme, même criminel, de son autorité privée, parce qu'aucune loi n'y autorise, il s'ensuit que celui qui se tue est homicide. D'autant plus coupable en cela, qu'il est d'ailleurs plus innocent du motif qui le porte à s'ôter la vie. Pourquoi détestons-nous le suicide de Judas? Pourquoi la vérité elle-même a-t-elle déclaré, Actes des Apôtres, 1, quand cependant il a plutôt accru qu'expier le crime de son infâme trahison? C'est qu'en désespérant de la miséricorde de Dieu, il s'est fermé la voie à un repentir salutaire. Matthieu, 28:3. À combien plus forte raison faut-il donc rejeter la tentation du suicide quand on n'a aucun crime à expier? En se tuant, Judas tue un coupable, et cependant il lui sera demandé compte, non seulement de la vie du Christ, mais de sa propre vie, parce qu'en se tuant à cause d'un premier crime, il s'est chargé d'un crime nouveau. Pourquoi donc un homme qui n'a point fait de mal à autrui s'en ferait-il à lui-même? Il tuerait donc un innocent dans sa propre personne, pour empêcher un coupable de consommer son dessein, et il attend très criminellement à sa vie, de peur qu'elle ne fût l'objet d'un attentat étranger. Chapitre 18. Des violences que l'impureté d'autrui peut faire subir à notre corps, sans que notre volonté y participe. On allégera la crainte qu'on éprouve d'être souillé par l'impureté d'autrui. Je réponds, si l'impureté reste le fait d'un autre que vous, elle ne vous souillera pas. Si elle vous souille, c'est qu'elle est aussi votre fait. La pureté est une vertu de l'âme. Elle a pour compagne la force qui nous rend capables de supporter les plus grands maux plutôt que de consentir au mal. Or, l'homme le plus pur et le plus ferme est maître, sans doute, du consentement et du refus de sa volonté, mais il ne l'est pas des accidents que sa chair peut subir. Comment donc pourrait-il croire, s'il a l'Esprit Saint, qu'il a perdu la pureté parce que son corps violemment saisi aura servi à assouvir une impureté dont il n'est pas complice? Si la pureté peut être perdue de la sorte, elle n'est plus une vertu de l'âme. Il faut cesser de la compter au nombre des biens qui sont le principe de la bonne vie, et le ranger parmi les biens du corps, avec la vigueur, la beauté, la santé et tous ces avantages qui peuvent souffrir des altérations, sans que la justice et la vertu en soient aucunement altérées. Or, si la pureté n'est rien de mieux que cela, pourquoi s'en mettre si fort en peine au péril même de la vie? Rendez-vous à cette vertu de l'âme son vrai caractère, elle ne peut plus être détruite par la violence faite au corps. Je dirais plus s'il est vrai qu'en faisant des efforts pour ne pas céder à l'attrait des concupiscences charnelles, la sainte continence sanctifie le corps lui-même. J'en conclus que tant que l'intention de le résister se maintient ferme et inébranlable, le corps ne perd pas sa sainteté, car la volonté de s'en servir saintement persévère, et, autant qu'il dépend de lui, il nous en laisse la faculté. La sainteté du corps ne consiste pas à préserver nos membres de toute altération et de tout contact. 1000 accidents peuvent occasionner de graves blessures, et souvent, pour nous sauver la vie, les chirurgiens nous font subir d'horribles opérations. Une sage-femme, soit malveillance, soit maladresse, soit pur hasard, détruit la virginité d'une jeune fille en voulant la constater. Y a-t-il un esprit assez mal fait pour s'imaginer que cette jeune fille, par l'altération d'un de ses organes, ait perdu quelque chose de la pureté de son corps? Ainsi donc, tant que l'âme garde ce ferme propos qui fait la sainteté du corps, la brutalité d'une convoitise étrangère ne saurait ôter au corps le caractère sacré que lui imprime une continence persévérante. Voici une femme au cœur perverti qui, trahissant les vœux contractés devant Dieu, court se livrer à son amant. Direz-vous que pendant le chemin elle est encore pure de corps, après avoir perdu la pureté de l'âme, source de l'autre pureté? Loin de nous cette erreur. Disons plutôt qu'avec une âme pure, la sainteté du corps ne saurait être altérée, alors même que le corps subirait les derniers outrages, et pareillement, qu'une âme corrompue fait perdre au corps sa sainteté, alors même qu'il n'aurait éprouvé aucune souillure matérielle. Concluons qu'une femme n'a rien à punir en soi par une mort volontaire, quand elle a été victime passive du péché d'autrui, à plus forte raison, avant l'outrage, car alors elle se charge d'un homicide certain pour empêcher un crime encore incertain. Chapitre 19. De Lucrèce, qui se donne à la mort pour avoir été outragée. Nous soutenons que lorsqu'une femme, décidée à rester chaste, est victime d'un viol sans aucun consentement de sa volonté, il n'y a de coupable que l'oppresseur. Oseront-ils nous contredire, ceux contre qui nous défendons la pureté spirituelle et aussi la pureté corporelle des vierges chrétiennes outragées dans leur captivité? Nous leur demanderons pourquoi la pudeur de Lucrèce, cette noble dame de l'ancienne Rome, est en si grand honneur auprès d'eux? Quand le fils de Tarquin eut assouvi sa passion infâme, Lucrèce dénonça le crime à son mari, Collatin, et à son parent, Brutus, tous deux illustres par leur rang et par leur courage, et leur fit prêter serment de la venger. Puis, l'âme brisée de douleur et ne voulant pas supporter un tel affront, elle se tua. Tite Live, livre 1er chapitre 57, 58. Dirons-nous qu'elle est morte chaste ou adultère? Poser cette question, c'est la résoudre. J'admire beaucoup cette parole d'un rhéteur qui déclamait sur Lucrèce. Chose admirable, s'écria-t-il, ils étaient deux, et un seul fut adultère. Impossible de dire mieux et plus vrai. Ce rhéteur a parfaitement distingué dans l'union des corps la différence des âmes, l'une souillée par une passion brutale, l'autre fidèle à la chasteté, et exprimant à la fois cette union toute matérielle et cette différence morale. Il a dit excellemment, ils étaient deux, un seul fut adultère. Mais d'où vient que la vengeance est tombée plus terrible sur la tête innocente que sur la tête coupable? Car Sextus n'eut à souffrir que l'exil avec son père, et Lucrèce perdit la vie. S'il n'y a pas impudicité à subir la violence, y a-t-il justice à punir la chasteté? C'est à vous que j'en appelle, loi et juge de Rome. Vous ne voulez pas que l'on puisse impunément faire mourir un criminel, s'il n'a été condamné. Eh bien, supposons qu'on porte ce crime à votre tribunal. Une femme a été tuée, non seulement elle n'avait pas été condamnée, mais elle était chaste et innocente. Ne punirez-vous pas sévèrement cet assassinat? Or, ici, l'assassin c'est Lucrèce. Oui, cette Lucrèce tant célébrée a tué la chaste, l'innocente Lucrèce, l'infortunée victime de Sextus. Prononcez maintenant. Que si vous ne le faites point, parce que la coupable s'est dérobée à votre sentence, pourquoi tant célébrer la meurtrière d'une femme chaste et innocente? Aussi bien ne pourriez-vous la défendre devant les juges d'enfer, tels que vos poètes nous les représentent, puisqu'elle est parmi ces infortunés, qui se sont donné la mort de leurs propres mains, et sans avoir commis aucun crime, ont haine de l'existence, ont jeté leurs âmes au loin. Veut-elle revenir au jour? Le destin s'y oppose et elle est arrêtée par l'onde lugubre du marais qu'on ne traverse pas. Virgile, Énéide, livre 6, vers 434 à 439. Mais peut-être n'est-elle pas là? Peut-être s'est-elle tuée parce qu'elle se sentait coupable, peut-être, car qui sait, elle acceptait ce qui se passait en son âme, touchée en secret par la volupté, a-t-elle consenti au crime, et puis, regrettant sa faute, s'est-elle tuée pour l'expier, mais, dans ce cas même, son devoir était, non de se tuer, mais d'offrir à ses faux jeux une pénitence salutaire. Au surplus, si les choses se sont passées ainsi, si on ne peut pas dire, ils étaient deux, un seul fut adultère, si tous deux ont commis le crime, l'un par une brutalité ouverte, l'autre par un secret consentement, il n'est pas vrai alors qu'elle ait tué une femme innocente, et ses savants défenseurs peuvent soutenir qu'elle n'habite point cette partie des enfers réservée à ces infortunés qui, purs de tout crime, se sont arrachés la vie. Mais il y a ici deux extrémités inévitables. Veut-on l'absoudre du crime d'homicide? On la rend coupable d'adultère? L'adultère est-il écarté? Il faut qu'elle soit homicide. De sorte qu'on ne peut éviter cette alternative. Si elle est adultère, pourquoi la célébrer? Si elle est restée chaste, pourquoi s'est-elle donné la mort? Quant à nous, pour réfuter ces hommes étrangers à toute idée de sainteté qui osent insulter les vierges chrétiennes outragées dans la captivité, qu'il nous suffise de recueillir cet éloge donné à l'illustre romaine. Ils étaient deux. Un seul fut adultère. On n'a pas voulu croire, tant la confiance était grande dans la vertu de Lucrèce, qu'elle se fût souillée par la moindre complaisance adultère. Preuve certaine que, si elle s'est tuée pour avoir subi un outrage auquel elle n'avait pas consenti, ce n'est pas l'amour de la chasteté qui a armé son bras, mais bien la faiblesse de la honte. Oui. Elle a senti la honte d'un crime commis sur elle, bien que sans elle. Elle a craint, la fière romaine, dans sa passion pour la gloire, qu'on ne pût dire, en la voyant survivre à son affront, qu'elle y avait consenti. À défaut de l'invisible secret de sa conscience, elle a voulu que sa mort fût un témoignage écrasant de sa pureté, persuadée que la patience serait contre elle un aveu de complicité. Telle n'a point été la conduite des femmes chrétiennes qui ont subi la même violence. Elles ont voulu vivre, pour ne point venger sur elles le crime d'autrui, pour ne point commettre un crime de plus, pour ne point ajouter l'homicide à l'adultère. C'est en elles-mêmes qu'elles possèdent l'honneur de la chasteté, dans le témoignage de leur conscience. Devant Dieu, il leur suffit d'être assurés qu'elles ne pouvaient rien faire de plus sans mal faire, résolues avant tout à ne pas s'écarter de la loi de Dieu, au risque même de n'éviter qu'à grand-peine les soupçons blessants de l'humaine malignité. Chapitre 20. La loi chrétienne ne permet en aucun cas la mort volontaire. Ce n'est point sans raison que dans les livres saints on ne saurait trouver aucun passage où Dieu nous commande ou nous permette, soit pour éviter quelque mal, soit même pour gagner la vie éternelle, de nous donner volontairement la mort. Au contraire, cela nous est interdit par le précepte « Tu ne tueras point ». Remarquez que la loi n'ajoute pas « ton prochain, ainsi qu'elle le fait quand elle défend le faux témoignage, tu ne porteras point faux témoignage contre ton prochain. Exode 20, 13, 16. Cela ne veut pas dire néanmoins que celui qui porte faux témoignage contre soi-même soit exempt de crime, car c'est de l'amour de soi-même que la règle de l'amour du prochain tire sa lumière, ainsi qu'il est écrit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 39. Si donc celui qui porte faux témoignage contre soi-même n'est pas moins coupable que s'il le portait contre son prochain, bien qu'en cette défense il ne soit parlé que du prochain et qu'il puisse paraître qu'il n'est pas défendu d'être faux témoin contre soi-même, à combien plus forte raison faut-il regarder comme interdit de se donner la mort, puisque ces termes, tu ne tueras point, sont absolus, et que la loi n'y ajoute rien qui les limite? D'où il suit que la défense est générale, et que celui-là même à qui il est commandé de ne pas tuer ne s'en trouve pas excepté. Aussi plusieurs cherchent-ils à étendre ce précepte jusqu'aux bêtes mêmes, s'imaginant qu'il n'est pas permis de les tuer. Allusion à la secte des Martionites et à celle des Manichéens. Mais que ne l'étendent-ils donc aussi aux arbres et aux plantes? Car, bien que les plantes n'aient point de sentiments, on ne laisse pas de dire qu'elles vivent, et par conséquent elles peuvent mourir, et même, quand la violence s'en mêle, être tuées. C'est ainsi que l'apôtre, parlant des semences, dit, « Ce que tu sèmes ne peut vivre, s'il ne meurt auparavant. » 1 Corinthiens 15, 36. Et le psalmiste, il a tué leur vigne par la grêle. Psaume 77, 47. Est-ce à dire qu'en vertu du précepte, tu ne tueras point, ce soit un crime d'arracher un arbrisseau, et serons-nous assez fous pour souscrire, en cette rencontre, aux erreurs des manichéens? Laissons de côté ces rêveries, et lorsque nous lisons, tu ne tueras point, si nous ne l'entendons pas des plantes, parce qu'elles n'ont point de sentiments, ni des bêtes brutes, qu'elles volent dans l'air, nagent dans l'eau, marchent ou rampent sur terre, parce qu'elles sont privées de raison et ne forment point avec l'homme une société, d'où il suit que par une disposition très juste du Créateur, leur vie et leur mort sont également faites pour notre usage. Il reste que nous entendions de l'homme seul ce précepte, tu ne tueras point, c'est-à-dire, tu ne tueras ni un autre ni toi-même, car celui qui se tue, tue un homme. Voyez le traité de saint Augustin, des mœurs de l'Église catholique et des mœurs des manichéens. Chapitre 21. Des meurtres qui, par exception, n'impliquent point crime d'homicide. Dieu lui-même a fait quelques exceptions à la défense de tuer l'homme, tantôt par un commandement général, tantôt par un ordre temporaire et personnel. En pareil cas, celui qui tue ne fait que prêter son ministère à un ordre supérieur. Il est comme un glaive entre les mains de celui qui frappe, et par conséquent il ne faut pas croire que ceux-là aient violé le précepte, « Tu ne tueras point », qui ont entrepris des guerres par l'inspiration de Dieu, ou qui, revêtus du caractère de la puissance publique et obéissant aux lois de l'État, c'est-à-dire à des lois très justes et très raisonnables, ont puni de mort les malfaiteurs. L'Écriture est si loin d'accuser Abraham d'une cruauté coupable pour s'être déterminé, par pur esprit d'obéissance, à tuer son fils, qu'elle loue sa piété. Genèse 22. Et l'on a raison de se demander si l'on peut considérer Jephté comme obéissant à un ordre de Dieu, quand, voyant sa fille qui venait à sa rencontre, il la tue pour être fidèle au vœu qu'il avait fait, d'immoler le premier être vivant qui s'offrirait à ses regards à son retour après la victoire. Juge 11. De même, comment justifie-t-on Samson de s'être enseveli avec les ennemis sous les ruines d'un édifice, en disant qu'il obéissait au commandement intérieur de l'Esprit, qui se servait de lui pour faire des miracles. Juges 16, 30. Ainsi donc, sauf les deux cas exceptionnels d'une loi générale et juste ou d'un ordre particulier de celui qui est la source de toute justice, quiconque tue un homme, soi-même ou son prochain, est coupable d'homicide. Chapitre 22. Que la mort volontaire n'est jamais une preuve de grandeur d'âme. On peut admirer la grandeur d'âme de ceux qui ont attenté sur eux-mêmes, mais, à coup sûr, on ne saurait louer leur sagesse. Et même, à examiner les choses de plus près de l'œil de la raison, est-il juste d'appeler grandeur d'âme cette faiblesse qui rend impuissant à supporter son propre mal ou les fautes d'autrui? Rien ne marque mieux une âme sans énergie que de ne pouvoir se résigner à l'esclavage du corps et à la folie de l'opinion. Il y a plus de force à endurer une vie misérable qu'à la fuir, et les lueurs douteuses de l'opinion, surtout de l'opinion vulgaire, ne doivent pas prévaloir sur les pures clartés de la conscience. Certes, s'il y a quelque grandeur d'âme à se tuer, personne n'a un meilleur droit à la revendiquer que Cléon Brotte, dont on raconte qu'ayant lu le livre où Platon discute l'immortalité de l'âme, il se précipita du haut d'un mur pour passer de cette vie dans une autre qu'il croyait meilleure, car il n'y avait ni calamité, ni crime faussement justement imputé dont le poids pût lui paraître insupportable. Si donc il se donna la mort, s'il brisa ses liens si doux de la vie, ce fut par pure grandeur d'âme. Eh bien, je dis que si l'action de Cléon Brotte est grande, elle n'est du moins pas bonne, et j'en atteste Platon lui-même. Platon, qui n'aurait pas manqué de se donner la mort et de prescrire le suicide aux autres, si ce même génie qui lui révélait l'immortalité de l'âme, ne lui avait fait comprendre que cette action, loin d'être permise, doit être expressément défendue. En effet, dans le Phédon même, Platon se prononce formellement contre le suicide, soit au nom de la religion, soit au nom de la philosophie. Mais, dit-on, plusieurs se sont tués pour ne pas tomber en la puissance des ennemis. Je réponds qu'il ne s'agit pas de ce qui a été fait, mais de ce qu'on doit faire. La raison est au-dessus des exemples, et les exemples eux-mêmes s'accordent avec la raison, quand on sait choisir ceux qui sont le plus dignes d'être imités, ceux qui viennent de la plus haute piété. Ni les patriarches, ni les prophètes, ni les apôtres ne nous ont donné l'exemple du suicide. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui avertit ses disciples, en cas de persécution, de fuir de ville en ville, Matthieu 10, 23, ne pouvait-il pas leur conseiller de se donner la mort, plutôt que de tomber dans les mains de leurs persécuteurs? Si donc il ne leur a donné ni le conseil, ni l'ordre de quitter la vie, lui qui leur prépare, suivant ses promesses, les demeures de l'éternité, Jean 14, 2, il s'ensuit que les exemples invoqués par les gentils, dans leur ignorance de Dieu, ne prouve rien pour les adorateurs du seul Dieu véritable. Chapitre 23. De l'exemple de Caton, qui s'est donné la mort pour n'avoir pu supporter la victoire de César. Après l'exemple de Lucrèce, dont nous avons assez parlé plus haut, nos adversaires ont beaucoup de peine à trouver une autre autorité que celle de Caton, qui se donna la mort à Utique. Non qu'il soit le seul qui ait attenté sur lui-même, mais il semble que l'exemple d'un tel homme, dont les lumières et la vertu sont incontestées, justifie complètement ses imitateurs. Pour nous, que pouvons-nous dire de mieux sur l'action de Caton, sinon que ses propres amis, hommes éclairés tout autant que lui, s'efforcèrent de l'en dissuader, ce qui prouve bien qu'il voyait plus de faiblesse que de force d'âme dans cette résolution, et l'attribuait moins à un principe d'honneur qui porte à éviter l'infamie qu'à un sentiment de pusillanimité qui rend le malheur insupportable. Au surplus, Caton lui-même s'est trahi par le conseil donné en mourant à son fils bien-aimé. Si en effet c'était une chose honteuse de vivre sous la domination de César, pourquoi le père conseille-t-il au fils de subir cette honte, en lui recommandant de tout espérer de la clémence du vainqueur? Pourquoi ne pas l'obliger plutôt à périr avec lui? Si Torquatus a mérité des éloges pour avoir fait mourir son fils, quoique vainqueur, parce qu'il avait combattu contre ses ordres, pourquoi Caton épargne-t-il son fils, comme lui vaincu, alors qu'il ne s'épargne pas lui-même? Y avait-il plus de honte à être vainqueur en violant la discipline, qu'à reconnaître un vainqueur en subissant l'humiliation? Ainsi donc Caton n'a point pensé qu'il fût honteux de vivre sous la loi de César triomphant, puisqu'autrement il se serait servi, pour sauver l'honneur de son fils, du même fer dont il perça sa poitrine. Mais la vérité est que tant il aima son fils, sur qui ses vœux et sa volonté appelaient la clémence de César, autant il envia César. Comme César l'a dit lui-même, à ce qu'on est sûr, la gloire de lui pardonner. Et si ce ne fut pas de l'envie, disons, en termes plus doux, que ce fut de la honte. Voyez Tite Live, livre 8, chapitre 7. Au Lugel, Nuits Attiques, livre 9, chapitre 13. Valère Maxime, livre 33, chapitre 7,8. Plutarque, Vie de Caton, chapitre 72. Chapitre 24. La vertu des chrétiens l'emporte sur celle de Régulus, supérieure elle-même à celle de Caton. Nos adversaires ne veulent pas que nous préférions à Caton le saint homme Job, qui aima mieux souffrir dans sa chair les plus cruelles douleurs, que de s'en délivrer par la mort, sans parler des autres saints que l'Écriture, ce livre éminemment digne d'inspirer confiance et de faire autorité, nous montre résolu à supporter la captivité et la domination des ennemis plutôt que d'attenter à leur jour. Eh bien, prenons leur propre livre, et nous y trouverons des motifs de préférer quelqu'un à Marcus Caton. C'est Marcus Régulus. Caton, en effet, n'avait jamais vaincu César. Vaincu par lui, il dédaigna de se soumettre et préféra se donner la mort. Régulus, au contraire, avait vaincu les Carthaginois. Général romain, il avait remporté, à la gloire de Rome, une de ces victoires qui, loin de contrister les bons citoyens, arrachent des louanges à l'ennemi lui-même. Vaincu à son tour, il aima mieux se résigner et rester captif que s'affranchir et devenir meurtrier de lui-même. Inébranlable dans sa patience à subir le joug de Carthage, et dans sa fidélité à aimer Rome, il ne consentit pas plus à dérober son corps vaincu aux ennemis, qu'à sa patrie son cœur invincible. S'il ne se donna pas la mort, ce ne fut point par amour pour la vie. La preuve, c'est que pour garder la foi de son serment, il n'hésita point à retourner à Carthage, plus irrité contre lui de son discours au Sénat romain que de ses victoires. Si donc un homme qui tenait si peu à la vie a mieux aimé périr dans les plus cruels tourments que se donner la mort, il fallait donc que le suicide fût à ses yeux un très grand crime. Or, parmi les citoyens de Rome les plus vertueux et les plus dignes d'admiration, en peut-on citer un seul qui soit supérieur à Régulus? Ni la prospérité ne put le corrompre, puisqu'après de si grandes victoires il resta pauvre, ni l'adversité ne put le briser, puisqu'en face de si terribles supplices il accourut intrépide. Ainsi donc, ces courageux et illustres personnages, mais qui n'ont après tout servi que leur patrie terrestre, ces religieux observateurs de la foi jurée, mais qui n'attestaient que de faux dieux, ces hommes qui pouvaient, au nom de la coutume et du droit de la guerre, frapper leurs ennemis vaincus, n'ont pas voulu, même vaincus par leurs ennemis, se frapper de leurs propres mains. Sans craindre la mort, ils ont préféré subir la domination du vainqueur que s'y soustraire par le suicide. Quelle leçon pour les chrétiens, adorateurs du vrai Dieu et amants de la céleste patrie, avec quelle énergie ne doivent-ils pas repousser l'idée du suicide, quand la providence divine, pour les éprouver ou les châtier, les soumet pour un temps au joug ennemi. Qu'ils ne craignent point, dans cette humiliation passagère, d'être abandonnés par celui qui a voulu naître humble, bien qu'il s'appelle le Très-Haut, et qu'ils se souviennent enfin qu'il n'y a plus pour eux de discipline militaire, ni de droit de la guerre qui les autorise ou leur commande la mort du vaincu. Si donc un vrai chrétien ne doit pas frapper même un ennemi qui a attenté ou qui est sur le point d'attenter contre lui, quelle peut donc être la source de cette détestable erreur que l'homme peut se tuer, soit parce qu'on a péché, soit de peur qu'on ne pêche à son détriment? Sur la pauvreté de Régulus, voyez Tite Live, livre 18. Valère Maxime, livre 4. Chapitre 4, 6. Sénèque, Consolation à Elvia, chapitre 12. Markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.